Le livre de Tobie. Tobie, de la tribu et d'une ville de Nephtali, qui est dans la haute Galilée au-dessus de Naasson, derrière le chemin qui conduit à l'Occident, ayant à sa gauche la ville de Séphet, fut emmené captif au temps de Salmanazar, roi des Assyriens. Et même dans sa captivité, il n'abandonna pas la voie de la vérité, en sorte qu'il distribuait tous les jours ce qu'il pouvait avoir à ses frères, à ceux de sa nation qui étaient captifs avec lui. Et quoiqu'il fût le plus jeune de tous dans la tribu de Nephtali, il ne fit rien paraître de puéril dans ses actes. Car lorsque tous allaient au veau d'or que Jéroboam, roi d'Israël, avait fait, il fuyait seul la compagnie de tous. Et il allait à Jérusalem, au temple du Seigneur, et il y adorait le Seigneur, le Dieu d'Israël, offrant fidèlement les prémices et les dîmes de tous ses biens. Et la troisième année, il distribuait toute sa dîme aux prosélytes et aux étrangers. Il observait ces choses et d'autres semblables conformément à la loi de Dieu, n'étant encore qu'un enfant. Mais lorsqu'il fut devenu homme, il épousa une femme de sa tribu, nommée Anne, et en eut un fils auquel il donna son nom. Et il lui apprit dès son enfance à craindre Dieu et à s'abstenir de tout péché. Lors donc, ayant été emmené captif avec sa femme, son fils et toute sa tribu, il fut arrivé dans la ville de Ninive, quoique tous mangeassent des mets des gentils, il garda néanmoins son âme, et il ne se souilla jamais de leurs mets. Et parce qu'il se souvint de Dieu de tout son cœur, Dieu lui fit trouver grâce devant le roi Salmanazar, qui lui donna pouvoir d'aller partout où il voudrait, et la liberté de faire ce qui lui plairait. Il allait donc trouver tous ceux qui étaient captifs et leur donner des avis salutaires. Or, il vint à Rages, ville des Mèdes, ayant 10 talents d'argent qui provenaient des dons qu'il avait reçus du roi. Et parmi le grand nombre de ceux de sa race, voyant que Gabélus, qui était de sa tribu, était dans le besoin, il lui donna sous son sein cette somme d'argent. Mais longtemps après, le roi Salmanazar étant mort, et Sennachérib, son fils, qui régna après lui, ayant une grande haine contre les fils d'Israël, Tobie allait visiter presque tous les jours tous ceux de sa parenté, les consolait et distribuait de son bien à chacun d'eux selon son pouvoir. Il nourrissait ceux qui avaient faim, il donnait des vêtements à ceux qui étaient nus, et ensevelissait soigneusement ceux qui étaient morts ou qui avaient été tués. Car le roi Sennachérib, étant revenu de la Judée, fuyant la plaie dont Dieu l'avait frappé pour ses blasphèmes, il faisait tuer dans sa colère beaucoup des fils d'Israël, et Tobie ensevelissait leur corps. Mais lorsque le roi l'apprit, il ordonna de le tuer, et il lui ôta tout son bien. Alors Tobie s'enfuit avec son fils et sa femme, et dépouillé de tout, il put se cacher, parce qu'un grand nombre l'aimait. 45 jours après, le roi fut tué par ses fils, et Tobie revint dans sa maison, et on lui rendit tout son bien. Or, après cela, comme c'était un jour de fête du Seigneur, un grand repas fut préparé dans la maison de Tobie, et il dit à son fils, « Allez, et amenez quelques-uns de notre tribu qui craignent Dieu, afin qu'ils mangent avec nous. » Son fils partit, et revint lui annoncer qu'un des fils d'Israël gisait égorgé dans la rue. Tobie se leva aussitôt de table, et laissant là le repas, arriva à jeun auprès du cadavre. Il l'enleva, et l'emporta secrètement dans sa maison, afin de l'ensevelir avec précaution lorsque le soleil serait couché. Et, après avoir caché le corps, il se mit à manger avec larmes et tremblements, se souvenant de cette parole que le Seigneur avait dite par le prophète Amos, « Vos jours de fête se changeront en lamentations et en deuil. Et lorsque le soleil fut couché, il alla l'ensevelir. Or tous ses proches le blâmaient, en disant « Déjà pour ce sujet, on a ordonné de vous faire mourir, et vous n'avez échappé qu'avec peine à l'arrêt de mort, et de nouveau vous ensevelissez les morts. » Mais Tobie, craignant plus Dieu que le roi, emportait les corps de ceux qui avaient été tués, les cachait dans sa maison et les ensevelissait au milieu de la nuit. Or, il arriva un jour que, s'étant fatigué à ensevelir les morts, il revint dans sa maison, se coucha près d'une muraille et s'endormit. Et pendant qu'il dormait, il tomba d'un nid d'hirondelle de la fiente chaude sur ses yeux, ce qui le rendit aveugle. Dieu permit que cette épreuve lui arrivât pour que sa patience servît d'exemple à la postérité, comme celle du saint homme Job. Car, ayant toujours craint Dieu dès son enfance et ayant gardé ses commandements, il ne s'attrista pas contre Dieu de ce qui l'avait affligé par cette cécité. Mais il demeura immobile dans la crainte du Seigneur, rendant grâces à Dieu tous les jours de sa vie. Et de même que des rois insultaient au bienheureux Job, ainsi ses parents et ses proches se raillaient de sa conduite en disant « Où est votre espérance pour laquelle vous faisiez tant d'aumônes et de sépultures ?» Mais Tobie, les reprenant, leur disait « Ne parlez pas ainsi, car nous sommes enfants des saints, et nous attendons cette vie que Dieu doit donner à ceux qui ne changent jamais leur foi envers lui. » Mais Anne, sa femme, allait tous les jours faire de la toile et apporter du travail de ses mains ce qu'elle pouvait gagner pour vivre. Il arriva donc qu'ayant reçu un jour un chevreau, elle l'apporta à la maison. Et son mari, l'ayant entendu bêler, dit « Prenez garde qu'il n'ait été dérobé. Rendez-le à ses maîtres, car il ne nous est pas permis de manger ou de toucher ce qui a été dérobé. » Alors sa femme lui répondit avec colère « Il est évident que votre espérance était vaine, et voilà le résultat de vos aumônes. » C'est ainsi, et par d'autres paroles semblables, qu'elle lui insultait. Alors Tobie gémit et commença à prier avec larmes en disant « Seigneur, vous êtes juste, tous vos jugements sont équitables et toutes vos voies sont miséricorde et vérité et justice. Et maintenant, Seigneur, souvenez-vous de moi, ne prenez point vengeance de mes péchés et ne vous souvenez pas de mes fautes ni de celles de mes pères. Nous n'avons point obéi à vos préceptes. C'est pourquoi nous avons été livrés au pillage, à la captivité et à la mort, et nous sommes devenus la risée de toutes les nations parmi lesquelles vous nous avez dispersés. Et maintenant, Seigneur, vos jugements sont grands, parce que nous n'avons pas agi selon vos préceptes et que nous n'avons pas marché sincèrement devant vous. Et maintenant, Seigneur, traitez-moi selon votre volonté et commandez que mon âme soit reçue en paix, car il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » En ce même jour, il arriva que Sarah, fille de Raguel, à Rages, ville des Mèdes, entendit, elle aussi, les injures d'une des servantes de son père, car elle avait été donnée en mariage à 7 maris, et un démon nommé Asmodée les avait tués aussitôt qu'ils s'étaient approchés d'elle. Comme donc elle reprenait cette servante pour quelque faute, celle-ci lui répondit « Que jamais nous ne voyions de toi ni fils ni fille sur la terre, ô meurtrière de tes maris. Ne veux-tu point me tuer aussi, comme tu as déjà tué 7 maris ?» À cette parole, Sarah monta dans une chambre haute de la maison, où elle demeura 3 jours et 3 nuits sans boire ni manger. Mais, persévérant dans la prière, elle demandait à Dieu avec larmes qu'il la délivrât de cet opprobre. Or, il arriva que le 3e jour, achevant sa prière et bénissant le Seigneur, elle dit « Que votre nom soit béni, Dieu de nos pères, qui faites miséricorde après vous êtes irrité, et qui, au temps de l'affliction, pardonnez les péchés à ceux qui vous invoquent. Vers vous, Seigneur, je tourne mon visage, vers vous je dirige mes yeux. Je vous demande, Seigneur, de me délivrer du lien de cet opprobre ou de me retirer de dessus la terre. Vous savez, Seigneur, que je n'ai jamais,

Alors Tobie répondit à son père et lui dit « Mon père, je ferai tout ce que vous m'avez ordonné, mais je ne sais comment je retirerai cet argent. Cet homme ne me connaît pas et je ne le connais pas non plus. Quelle preuve lui donnerai-je? Je n'ai même jamais connu le chemin par où l'on va là-bas. » Alors son père lui répondit et lui dit « J'ai son obligation entre les mains, et aussitôt que vous la lui aurez montrée, il vous rendra l'argent. Mais allez maintenant, et cherchez quelque homme fidèle qui aille avec vous moyennant un salaire, afin que vous receviez cet argent pendant que je vis encore. » Alors Tobie, étant sorti, trouva un beau jeune homme debout, sain et comme prêt à marcher. Et, ignorant que c'était un ange de Dieu, il le salua et dit « D'où venez-vous, bon jeune homme ?» Il répondit « D'avec les fils d'Israël. » Tobie lui dit « Connaissez-vous le chemin qui conduit au pays des Mèdes ?» Et il lui répondit « Je le connais. J'ai souvent parcouru tous ces chemins, et j'ai demeuré chez Gabélus, notre frère, qui demeure à Rages, ville des Mèdes, qui est située dans la montagne d'Ecbatane. » Tobie lui dit « Attendez-moi, je vous prie, jusqu'à ce que j'aie annoncé ces choses à mon père. » Alors Tobie, étant rentré, raconta tout cela à son père, sur quoi le père, saisi d'admiration, demanda que ce jeune homme entrât auprès de lui. Étant donc entré, il salua Tobie et dit « Que la joie soit toujours avec vous. » Tobie répondit « Quelle joie puis-je avoir, moi qui suis dans les ténèbres et qui ne vois point la lumière du ciel ?» Le jeune homme lui dit « Ayez bon courage, le temps approche où Dieu doit vous guérir. » Alors, Tobie lui dit « Pourrez-vous conduire mon fils chez Gabélus à Rages, ville des Mèdes, et quand vous serez de retour, je vous donnerai ce qui vous sera dû. » L'ange lui dit « Je le conduirai et le ramènerai auprès de vous. » Tobie lui répondit « Indiquez-moi, je vous prie, de quelle famille vous êtes ou de quelle tribu. » L'ange Raphaël lui dit « Cherchez-vous la famille du mercenaire qui doit conduire votre fils ou le mercenaire lui-même ? Mais de peur que je ne vous donne de l'inquiétude, je suis Azarias, fils du grand Ananias. » Et Tobie répondit « Vous êtes d'une race illustre, mais je vous prie de ne pas vous fâcher si j'ai désiré connaître votre race. » L'ange lui dit « Je conduirai votre fils en bonne santé et le ramènerai de même. » Tobie lui répondit « Faites bon voyage, que Dieu soit dans votre chemin et que son ange vous accompagne. » Alors, ayant préparé tout ce qu'il devait porter dans le voyage, Tobie dit adieu à son père et à sa mère, et ils se mirent en chemin tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent partis, sa mère commença à pleurer et à dire « Vous nous avez ôté le bâton de notre vieillesse et vous l'avez éloigné de nous. Plût à Dieu que cet argent pour lequel vous l'avez envoyé n'eût jamais existé. » Car notre pauvreté nous suffisait, et nous pouvions regarder comme une grande richesse de voir notre fils. » Et Tobie lui dit « Ne pleurez point, notre fils arrivera sain et sauf, et il reviendra sain et sauf, et vos yeux le verront. Car je crois que le bon ange de Dieu l'accompagne, et qu'il dispose bien tout ce qui le concerne, et qu'ainsi il reviendra vers nous avec joie. » À cette parole, sa mère cessa de pleurer, et elle se tut. Tobie partit donc, et le chien le suivit. Et il demeura la première nuit près du fleuve du Tigre. Et il sortit pour se laver les pieds, et voici qu'un énorme poisson s'avança pour le dévorer. Tobie, plein d'effroi, jeta un grand cri en disant « Seigneur, il va se jeter sur moi !» Et l'ange lui dit « Prenez-le par les ouïes et tirez-le à vous. » Ce qu'ayant fait, il le tira à terre, et le poisson commença à se débattre à ses pieds. Alors l'ange lui dit « Videz ce poisson !» et prenez-en le cœur, le fiel et le foie, car ils vous seront nécessaires pour des remèdes très utiles. » Ce qu'ayant fait, ils firent ôter une partie de la chair qu'ils emportèrent avec eux en chemin. Ils salèrent le reste,

Ils mangèrent en bénissant Dieu. Et Rachel appela Anne, sa femme, et lui ordonna de préparer une autre chambre. Et elle y conduisit Sarah, sa fille, qui se mit à pleurer. Et elle lui dit, « Aie bon courage, ma fille, que le Seigneur du ciel compense en joie le chagrin que tu as éprouvé. » Après qu'ils eurent soupé, ils firent entrer le jeune homme auprès d'elle. Alors, Tobie, se souvenant des paroles de l'ange, tira de son sac une partie du foie du poisson et la mit sur des charbons ardents. Alors, l'ange Raphaël saisit le démon et le lia dans le désert de la Haute Égypte. Et Tobie exhorta la jeune fille et lui dit, « Sarah, levez-vous et prions Dieu aujourd'hui, et demain, et après-demain, car durant ces trois nuits, nous nous unirons à Dieu. » Et après la troisième nuit, nous vivrons dans notre mariage. Car nous sommes les enfants des saints, et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. S'étant donc levés tous deux, ils prièrent Dieu ensemble avec instance, afin qu'il les conservât sains et saufs. Et Tobie dit, « Seigneur, Dieu de nos pères, que les cieux et la terre, la mer, les fontaines et les fleuves, avec toutes vos créatures qu'ils renferment, vous bénissent. » Vous avez fait Adam du limon de la terre, et vous lui avez donné Ève pour auxiliaire. Et maintenant, Seigneur, vous savez que ce n'est point pour satisfaire ma passion que je prends ma sœur pour épouse, mais dans le seul désir d'une postérité par laquelle votre nom soit béni dans tous les siècles. Sarah dit aussi, « Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et faites que nous vieillissions tous deux ensemble dans une parfaite santé. » Or, vers le chant du coq, Rachel ordonna qu'on fît venir ses serviteurs, et ils s'en allèrent avec lui pour creuser une fosse. Car, il disait, il lui sera peut-être arrivé la même chose qu'à ces sept hommes qui sont entrés auprès d'elle. Et lorsqu'ils eurent préparé la fosse, Rachel, étant revenue près de sa femme, lui dit, « Envoyez une de vos servantes pour voir s'il est mort, afin que je l'ensevelisse avant qu'il fasse jour. » Et Anne envoya une de ses servantes, qui, étant entrée dans la chambre, les trouva sains et saufs, dormant ensemble. Et elle revint et annonça cette bonne nouvelle. Alors Rachel et Anne, sa femme, bénirent le Seigneur et dirent « Nous vous bénissons, Seigneur, Dieu d'Israël, parce que ce que nous avions pensé ne nous est point arrivé. Car vous nous avez fait miséricorde et vous avez chassé loin de nous l'ennemi qui nous persécutait et vous avez eu pitié de ces deux enfants uniques. Faites, Seigneur, qu'il vous bénisse encore davantage et qu'il vous offre un sacrifice de louange pour leur préservation, afin que toutes les nations connaissent que vous seul êtes Dieu sur toute la terre. » Et aussitôt, Rachel ordonna à ses serviteurs de remplir avant le jour la fosse qu'ils avaient faite. Il dit aussi à sa femme de préparer un festin et tous les vivres nécessaires à ceux qui entreprennent un voyage. Et il fit tuer deux vaches grasses et quatre moutons pour préparer un festin à tous ses voisins et à tous ses amis. Rachel conjura ensuite Tobie de demeurer avec lui pendant deux semaines. Il lui donna la moitié de tout ce qu'il possédait et déclara par un écrit que l'autre moitié qui restait reviendrait à Tobie après sa mort. Alors Tobie appela auprès de lui l'ange, qu'il croyait un homme, et il lui dit, « Mon frère Azarias, je vous prie d'écouter mes paroles. Quand je me donnerai à vous comme esclave, je ne pourrai pas reconnaître dignement tous vos soins. Néanmoins, je vous conjure de prendre avec vous des serviteurs et des montures, et d'aller trouver Gabélus à Rages, ville des Mèdes, pour lui rendre son obligation et recevoir de lui l'argent, et pour le prier de venir à mes noces. » Car vous savez que mon père compte les jours, et si je tarde un jour de plus,

Et comme elle regardait de ce lieu si son fils arrivait, elle l'aperçut de loin, et elle le reconnut aussitôt, et elle courut l'annoncer à son mari et lui dit « Voilà que votre fils revient !» Et Raphaël dit à Tobie « Dès que vous serez entré dans votre maison, adorez aussitôt le Seigneur votre Dieu, et lui rendant grâce, approchez-vous de votre père et baisez-le. Et aussitôt, frottez-lui les yeux avec ce fiel de poisson que vous portez sur vous, car sachez que bientôt ses yeux s'ouvriront et que votre père verra la lumière du ciel et se réjouira en vous voyant. » Alors le chien, qui les avait suivis durant le voyage, courut devant eux, et arrivant comme un messager, il témoignait sa joie par le mouvement de sa queue et ses caresses. Et le père aveugle se leva et se mit à courir, trébuchant à chaque pas, et donnant la main à un serviteur, il s'avança au devant de son fils. Et le rencontrant, il l'embrassa, et sa mère ensuite, et ils commencèrent tous deux à pleurer de joie. Puis, lorsqu'ils eurent adoré Dieu et lui eurent rendu grâce, ils s'assirent. Alors, Tobie, prenant du fiel du poisson, en frotta les yeux de son père. Et il attendit environ une demi-heure, et une petite peau blanche, semblable à la membrane d'un œuf, commença à sortir de ses yeux. Et Tobie, la prenant, la tira des yeux de son père, qui recouvra aussitôt la vue. Et ils rendirent gloire à Dieu, lui et sa femme, et tous ceux qui le connaissaient. Et Tobie disait, « Je vous bénis, Seigneur Dieu d'Israël, de ce que vous m'avez châtié et guéri. Et voici que je vois Tobie, mon fils. » 7 jours plus tard, Sarah, la femme de son fils, arriva aussi avec toute sa famille en parfaite santé, et aussi les troupeaux et les chameaux, et tout l'argent de la femme, et aussi l'argent que Gabélus avait rendu. Et il raconta à ses parents tous les bienfaits dont Dieu l'avait comblé par cet homme qui l'avait conduit. Et Achior et Nabath, cousins de Tobie, vinrent pleins de joie auprès de lui et le félicitèrent de tous les biens que Dieu lui avait faits. Et tous firent festin durant 7 jours, et ils se réjouirent d'une grande joie. Alors Tobie appela son fils auprès de lui et lui dit « Que pouvons-nous donner à ce saint homme qui est venu avec vous ?» Tobie, répondant à son père, lui dit « Mon père, quelle récompense lui donnerons-nous ? Ou que peut-il y avoir de proportionné à ses bienfaits ? Il m'a mené et ramené sain et sauf, il a lui-même reçu l'argent de Gabélus, il m'a fait avoir une épouse, il a éloigné d'elle le démon, il a rempli de joie ses parents, il m'a délivré du poisson qui allait me dévorer. Il vous a fait voir à vous-même la lumière du ciel, et c'est par lui que nous avons été remplis de tous les biens. Que lui donnerons-nous qui égale ce qu'il a fait pour nous? Mais je vous prie, mon père, de lui demander s'il daignerait accepter la moitié de tout le bien que nous avons apporté. » Alors Tobie le père et son fils l'appelèrent, et l'ayant pris à part, ils le conjurèrent de vouloir bien recevoir la moitié de tout ce qu'ils avaient apporté. Alors l'ange leur dit en secret, « Bénissez le Dieu du ciel et glorifiez-le devant tous les hommes parce qu'il a fait éclater sur vous sa miséricorde. Car il est bon de cacher le secret du roi, mais il est honorable de révéler et de publier les œuvres de Dieu. La prière accompagnée du jeûne est bonne et l'aumône vaut mieux que d'amasser des monceaux d'or. Car l'aumône délivre de la mort, et c'est elle qui efface les péchés et qui fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. Mais ceux qui commettent le péché et l'iniquité sont les ennemis de leur âme. Je vais donc vous découvrir la vérité, et je ne vous cacherai point une chose qui est secrète. Lorsque vous priez avec larmes, et que vous ensevelissiez les morts, et que vous quittiez votre repas, et que vous cachiez les morts dans votre maison durant le jour pour les ensevelir pendant la nuit, j'ai présenté votre prière au Seigneur. Et parce que vous étiez agréable à Dieu, il a été nécessaire que la tentation vous éprouva. Et maintenant, le Seigneur m'a envoyé pour vous guérir et pour délivrer du démon Sarah, la femme de votre fils. Car je suis l'ange Raphaël, l'un des 7 qui nous tenons en la présence du Seigneur.

car il avait 56 ans lorsqu'il perdit la vue et il la recouvra à 60. Le reste de sa vie se passa dans la joie et, ayant beaucoup avancé dans la crainte de Dieu, il mourut en paix. À l'heure de sa mort, il appela Tobie son fils et 7 jeunes enfants qu'il avait, ses petits-fils, et il leur dit « La ruine de Ninive est proche, car la parole de Dieu ne demeure pas sans effet, et nos frères qui auront été dispersés hors de la terre d'Israël y retourneront. Tout le pays désert y sera repeuplé, et la maison de Dieu qui a été brûlée sera rebâtie de nouveau, et tous ceux qui craignent Dieu y reviendront. Et les nations abandonneront leurs idoles, et elles viendront à Jérusalem, et elles y habiteront. Et tous les rois de la terre s'y réjouiront en adorant le roi d'Israël. Mes enfants, écoutez donc votre père, servez le Seigneur dans la vérité et cherchez à faire ce qui lui est agréable. Recommandez à vos enfants de faire des œuvres de justice et des aumônes, de se souvenir de Dieu et de le bénir en tout temps dans la vérité et de toute leur force. Écoutez-moi donc maintenant, mes enfants, et ne demeurez point ici. Mais le jour même où vous aurez enseveli votre mère auprès de moi dans un même sépulcre, tournez vos pas afin de sortir d'ici. Car je vois que l'iniquité de cette ville la fera périr. Or il arriva qu'après la mort de sa mère, Tobie sortit de Ninive avec sa femme, ses enfants et les enfants de ses enfants. Et il retourna chez son beau-père et sa belle-mère. Et il les trouva bien portants dans une heureuse vieillesse et il eut soin d'eux et leur ferma les yeux. Il recueillit toute la succession de la maison de Raguel, et il vit les enfants de ses enfants jusqu'à la 5e génération. Et après qu'il eut vécu 99 ans dans la crainte du Seigneur, ses enfants l'ensevelirent avec joie. Et toute sa parenté et toute sa famille persévérèrent dans une bonne vie et dans une conduite sainte, de sorte qu'ils furent aimés de Dieu et des hommes et de tous les habitants du pays.